Que se produit-il? Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu de nous révéler notre péché, ni de nous convaincre de péché, ni de nous montrer ce qui ne va pas. Il n'est pas nécessaire de prier ainsi si vous lisez la Bible. Parfois, quand je lis la Bible, un clignotant s'allume pour m'indiquer que je dois me repentir d'un péché dans ma vie. Une des raisons pour lesquelles les gens ne lisent pas la Bible, c'est qu'ils n'aiment pas ce qu'ils y lisent. La Bible leur demande d'abandonner quelque chose qu'ils aiment et qu'ils veulent continuer à faire. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider, nous diriger et nous aider à prendre les bonnes décisions. Cependant, il nous a aussi donné sa parole comme instrument de sanctification. Lorsque je lis la Bible et que l'Esprit me parle au sujet de ma colère, je dois faire quelque chose à ce sujet. Si l'Esprit me montre que je n'ai pas de considération pour les autres, je dois corriger cela. Si j'ai cédé à ma convoitise charnelle, je dois faire face à cette situation. Si j'ai menti ou été malhonnête, je dois réparer les torts que j'ai faits. Que fait la parole de Dieu? Eh bien, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. L'homme ne connaît rien de plus tranchant que la parole divine. Une épée peut transpercer ou découper le corps, mais la parole de Dieu pénètre jusque dans la conscience et l'esprit. Il y a deux façons dont Dieu peut nous émonder, la première étant par sa parole. C'est la méthode la plus facile. Lorsque nous lisons la parole, Dieu doit aiguiser sa serpette. Avez-vous déjà remarqué Dieu en train d'aiguiser votre serpette? Il faut s'y attendre. Dieu dit que lorsque nous portons du fruit, il nous émonde afin que nous en portions encore davantage, des plus beaux et des plus succulents. Notez que lorsque Dieu permet que nous subissions des difficultés et que nous subissions des tempêtes, nous devrions y voir un encouragement. Dieu ne permet pas nécessairement que nous connaissions l'adversité à cause d'un péché spécifique que nous pratiquons. Il se peut que l'épreuve n'ait rien à voir avec le péché, mais que Dieu désire que vous produisiez un meilleur fruit en plus grande quantité. Alors, Dieu permet que vous ayez des épreuves, de la souffrance, du chagrin, des difficultés et de la persécution. C'est une expression de son amour. Cela vous indique que vous avez le potentiel de croître spirituellement. Prenons l'exemple d'un emploi. Supposons que votre patron vous annonce qu'il vous donne une promotion. En fait, vous occuperez désormais le poste de vice-président de la compagnie. Est-ce que vous refuseriez? Lui diriez-vous, « Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas de l'augmentation de salaire de 50 000 $ par an que la promotion m'apporterait. Je ne suis pas intéressé, absolument pas. Je ne veux pas être vice-président. » Vous n'oseriez jamais répondre cela. Lorsque votre patron vous dit qu'il va vous accorder le poste de vice-président et augmenter votre salaire en conséquence, que vous dit-il exactement? Il vous dit qu'il voit du potentiel en vous et qu'il va utiliser ce potentiel en le développant. C'est aussi ce que Dieu nous dit. Je vois ton potentiel et je vais t'émonder. Nous aimons la première partie de cette proposition, mais nous aimons beaucoup moins la deuxième partie. Cependant, l'émondage spirituel m'est beaucoup plus profitable qu'une promotion dans un travail séculier, car cet émondage a une portée éternelle. La promotion est temporaire. Lorsque vous voyez la serpette se faire aiguiser, c'est Dieu qui vous dit « Je vois du potentiel en toi ». Permettez-moi d'attirer votre attention sur un point qui, tout en n'étant pas toujours le cas, est souvent vrai. Souvent, Dieu nous émonde là où nous ne nous rendons pas compte que notre fruit n'est pas de première qualité. Lorsque j'examine ce qu'il fait dans ma vie, je remarque que la serpette coupe afin de corriger quelque chose. Peut-être vous demandez-vous ce que Dieu émonde dans la vie d'un croyant. Considérons la branche qui porte du fruit. De petites branches peuvent se mettre à pousser sur cette branche. Il faut les couper afin que les éléments nutritifs de la sève se rendent aux fruits et non aux petites branches et seulement aux feuilles. Quel serait un exemple de petite branche dans nos vies? Je vais me prendre en exemple, afin que personne ne croie que je parle de lui ou que je l'accuse. Supposons que je vienne chaque jour au travail en me disant « C'est bien, je fais du bon travail ». Ça, c'est une première petite branche. Je pourrais me dire « J'ai de nombreuses années d'expérience. Les gens devraient avoir du respect pour moi maintenant ». Ça, c'est une deuxième petite branche. Je pourrais aussi m'enorgueillir de ma connaissance de la Bible. Troisième petite branche, l'orgueil. Pensez-vous que Dieu va accepter cela? Jamais. Savez-vous ce que Dieu fait? Il garde sa serpette à la portée de la main pour couper les petites branches aussitôt qu'elles apparaissent. Il veut que nous nous confions à lui et non en quoi que ce soit d'autre, ni en personne d'autre. D'un côté, Dieu veut que nous soyons totalement dépendants de lui, impuissants sans lui, et de l'autre, il veut que nous ayons confiance parce que nous sommes en lui. Ceci n'est pas une contradiction parce que je ne peux qu'être véritablement confiant et compétent que lorsque je me rends compte de mon impuissance et du fait que ma force est en Christ Jésus. Nous avons tendance à nous enorgueillir de notre apparence, des sommes d'argent que nous donnons à l'œuvre, des tâches que nous accomplissons, de la qualité de notre témoignage, et nous faisons des choses pour obtenir l'approbation et l'admiration des autres. Dieu doit nettoyer tout cet orgueil parce qu'il détourne notre attention de notre dépendance de Christ Jésus. L'orgueil nous dit que nous pouvons agir de nos propres forces. Dieu doit donc aiguiser sa serpette. Souvent, nous sommes surpris du fait que Dieu ait vu des branches que nous n'avons jamais vues. Si nous pouvions les voir et que nous étions intelligents, nous irions lire la parole de Dieu. Nous confesserions notre péché et nous nous repentirions avant que Dieu n'ait à utiliser sa serpette. Cependant, ce n'est pas ainsi que ça se passe. De temps à autre, il nous faut voir une branche qui nous avait échappé. Ce serait beaucoup plus facile si seulement Dieu faisait les mondages et qu'il nous parlait personnellement. Ce qui rend le processus des mondages très difficile, c'est que Dieu utilise parfois d'autres personnes pour nous émonder. Ce peut être ton mari, ta femme, tes parents, tes enfants, ton patron, un ami, un étranger ou un ennemi. Lorsque Dieu utilise un adversaire pour nous émonder, alors c'est atroce et nous n'aimons vraiment pas cela. Nous préférerions avoir affaire à Dieu qui nous donnerait un avertissement et un délai pour nous repentir et régler le problème. Pourquoi ne fait-il pas cela? Eh bien, nous pouvons être très entêtés. Nous voulons toujours en faire à notre tête. Que fait Dieu dans ce cas-là? Alors Dieu aiguise sa serpette et commence les montages. Nous saignons, nous pleurons, nous gémissons et nous nous plaignons. J'ai observé une chose au cours du temps. Dieu ne se laisse pas émouvoir par mes pleurs et mes gémissements. Le fait que je saigne ne le perturbe pas. Les mondages cessent lorsque je dis « Tu as raison de faire cela, Seigneur, et c'est bien que tu agisses ainsi. » C'est étonnant de voir le sang cesser de couler. Je ne sais pas comment ça va présentement avec vous, mais je sais une chose. Si vous appartenez au Seigneur Jésus et que vous ne portez pas de fruits, il y a une raison pour cela. Il se peut que vous soyez occupé avec tant d'activités qui ne concernent pas Dieu, que vous n'avez plus de temps pour lui ni de place. Vous pouvez fréquenter l'Église sans être fructueux. Il se peut que vous vous considériez fructueux en examinant les faits de votre point de vue. Cependant, vous éprouvez encore des difficultés. Se pourrait-il que Dieu veuille vous rendre encore plus fructueux? Se pourrait-il qu'il veuille davantage pour vous que vous le pensiez? Il voit peut-être plus de potentiel en vous que vous en voyez. il veut accomplir davantage dans votre vie et par votre vie que vous pensiez qu'il était possible. Dieu tient à ce que vous atteigniez tout votre potentiel. Alors, il poursuit le processus d'émondage, bien que vous portiez du fruit. J'ai découvert une chose au cours de ma vie. Dieu m'a souvent fait passer par la fournaise ardente. Il m'a émondé au point qu'il ne restait presque seulement le tronc. En tout cas, je me sentais comme tel. Lorsque nous passons par la fournaise ardente, il ne faut pas demander à Dieu pourquoi il le permet. Il faut lui demander ce qu'il veut nous dire ou nous enseigner par cette expérience, qu'importe la nature de l'expérience. Si je réagis bibliquement ou correctement au processus d'émondage, Dieu m'enseignera quelque chose. Si je suis rempli de l'Esprit, il me fera entendre son message. Les pires périodes d'émondage ont été celles où le Seigneur m'a préparé pour les plus belles bénédictions de ma vie. Le processus d'émondage est toujours un geste d'amour de la part de Dieu. Lorsqu'il est très douloureux, c'est parce que Dieu nous prépare pour les meilleures bénédictions qu'il en réserve pour nous. N'oublions jamais que Dieu nous connaît parfaitement. Il sait ce qu'il faut émonder et à quel angle faire l'entaille pour atteindre l'objectif visé. Dieu connaît le meilleur moment pour émonder et il n'y a pas plus expert que lui pour le faire. Il sait quelle longueur il faut couper, car il a un objectif précis à atteindre. Sommes-nous disposés à dire au Seigneur, « Fais ce que tu veux, émonde ce qu'il y a à émonder. » Dites-vous au Seigneur que vous êtes d'accord avec tout émondage qu'il veut faire en vous? Reconnaissez-vous que Dieu a le droit d'émonder tout ce qu'il juge nécessaire pour que vous atteigniez votre plein potentiel? Écoutez attentivement. Je désire vous répéter une chose. Personne ne connaît son véritable potentiel. Vous, les jeunes, qui êtes au début de la vingtaine, vous allez probablement vivre normalement jusqu'à l'âge de 85 ou 90 ans. Toute votre vie, vous aurez vécu normalement. Avez-vous seulement une idée de votre véritable potentiel? Non. Je veux cependant que vous réfléchissiez à ceci. Vous pouvez avoir une vie ordinaire, jouir de la vie à un certain point, mais terminer comme la plupart des gens, pas vraiment heureux, sans avoir vraiment connu le succès, sans vraiment connaître le contentement. L'autre choix, c'est de prendre une décision très importante au début de votre vie. Consacrez-vous à Dieu en lui disant, « Seigneur, qu'importe les amis que je perdrai, les occasions que je devrais laisser passer ou l'approbation du monde que je n'obtiendrai pas. Je veux que tu travailles dans mon cœur afin que je puisse atteindre au moins presque tout mon potentiel et l'objectif que tu avais en me créant. Personne ne peut vous arrêter lorsque vous remettez votre vie dans les mains du Seigneur en lui disant, « Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je veux t'obéir. Je mets entièrement ma confiance en toi. Je veux que tu m'émondes de tout ce qui pourrait me détourner de ce que tu veux accomplir dans ma vie. Seigneur, fais un nettoyage, car je veux découvrir ce que tu peux vraiment faire avec ma vie. » Vous savez, j'aurais aimé que quelqu'un me parle ainsi quand j'étais jeune. Quelque chose en moi ne me laissait pas désirer être comme tout le monde, ne me permettait pas de me contenter d'être médiocre, ne me permettait pas d'étudier juste pour obtenir le strict nécessaire et ne me permettait pas de me contenter d'autre chose que du meilleur. Ce n'est pas ce que je voulais être meilleur que les autres. C'est simplement que je voulais découvrir ce que Dieu pouvait faire si je lui consacrais la meilleure personne que je pouvais être. Lui faire totalement et entièrement confiance. Nous l'avons vu dans l'émission d'aujourd'hui, Dieu nous émonde toujours pour notre bien. Ainsi, Charles Stanley nous a rappelé que nous pouvons nous soumettre à cet émondage et en tirer la leçon que Dieu veut nous enseigner. Cette manière de réagir nous sera toujours bénéfique, car c'est ainsi que nous pouvons grandir et porter plus de fruits. À l'inverse, nous pouvons choisir de nous rebeller contre lui.